Les Pères de l'Église grecque au IVe siècle, par Eugène Fialon. Saint Athanase, 296-375. Le premier de ces courageux évêques est Saint Athanase. Sa vie entière fut un combat contre l'arianisme et les empereurs, protecteurs de l'hérésie. Élevé par Saint Alexandre, depuis patriarche d'Alexandrie, il l'avait suivi, en qualité de diacre, au Concile de Nicée, 325. La science et l'éloquence qu'il déploya dans les discussions frappèrent de surprise les pères du Concile et contribuèrent puissamment à la condamnation d'Arius. Le jeune et éloquent défenseur de la divinité du Christ revint à Alexandrie poursuivi de la haine des Ariens. 6 mois après le concile, Saint Alexandre Mourant le désigne pour son successeur, et ce choix, accueilli avec enthousiasme par la ville d'Alexandrie, est confirmé par les évêques d'Égypte. Aussitôt les hérétiques plus animés complotent contre le nouveau patriarche. Ils l'accusent d'avoir imposé un tribut à l'Égypte, fourni de l'argent à une sédition, fait briser un calice et coupé le bras à un évêque afin de s'en servir dans des opérations magiques. Constantin le cite devant des conciles tout composés de ses ennemis. C'est en vain qu'il dévoile l'imposture et confond la calomnie, il est déposé et exilé à Trèves. Athanase rentre dans Alexandrie, à la mort de Constantin, mais Constance et un nouveau concile le condamnent à un second bannissement, l'appui de Constant et surtout la décision des 300 évêques du concile de Sardique le ramène encore un instant sur son siège. Mais Constance, devenue maître de tout l'Empire par la mort de son frère, ne garde plus aucune mesure avec le patriarche dont la fière indépendance et la supériorité l'irritent. Proscrit et fugitif, Athanase essaie en vain de fléchir son persécuteur. Pendant 6 ans, il erre de désert en désert, poursuivi par les émissaires des gouverneurs. Ces vastes solitudes qui bordent l'Égypte, ces îles que le Nil forme dans son cours, ces débris des cités, ces monuments mystérieux, quelquefois ces villes alors modernes et populeuses, où la foule cache encore mieux que la solitude, tout dans l'Égypte servait tour à tour d'asile au patriarche fugitif, confère Monsieur Villemain. Tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. La mort de Constance seule mit fin à cette longue proscription. Le retour d'Athénas fut un triomphe. Les peuples accouraient sur son passage, le Nil était sillonné de barques, toute Alexandrie se précipita hors des murs, la mer était éclairée au loin des feux qui resplendissaient des tours du muséum. Jamais mortel ne s'était vu décerner de tels honneurs par la ville d'Alexandre. Au jaloux et hypocrite Constance avait succédé Julien, 361, un enthousiaste qui serait un grand homme, s'il n'avait entrepris de reculer vers le passé, en rétablissant le polythéisme, et ne s'était brisé dans cette tentative insensée. D'abord il affecte de donner la liberté à toutes les doctrines, mais il ne tarde pas à démasquer la politique de sa tolérance. Pendant qu'il réfute le judaïsme et le christianisme par des écrits, il met aux prises leurs différentes sectes et les charge de s'entre-détruire. Enfin, par une manœuvre aussi habile que perfide, il défendait à tout Galiléen d'enseigner les lettres grecques. C'était condamner les hautes classes à laisser leurs enfants dans l'ignorance ou à les confier aux rhéteurs, devenus autant de prêtres et d'apôtres de la religion hellénique. Le succès dépassa les espérances de Julien. La haute classe, qui s'était faite chrétienne avec Constantin, arienne avec Constance, s'empressa de retourner à l'hellénisme, pour revenir à l'arianisme, sous Valens. Son exemple était suivi par le peuple des moindres villes. À Alexandrie, la populace poussa des cris de joie, quand on lui rendit le bœuf Apis, et massacra le patriarche arien Georges de Cappadoce. Mais, dit Grégoire de Nazianze, Julien ne comptait pour rien de se soumettre tous les chrétiens s'ils ne s'emparaient d'Athanase. Le seul nom d'Athanase balançait la victoire du paganisme renaissant. Le scélérat, s'écriait le prince, il a osé, sous mon empire, baptiser encore des femmes grecques d'une autre naissance. Athanase, condamné à un quatrième exil, se cache dans Alexandrie même, pour reparaître bientôt, quand, suivant l'expression de Saint Grégoire de Nazianze, la justice divine conduit le sacrilège en Perse et l'en eût ramené mort, sans que personne compatît à son malheur. Banni pour la cinquième fois par Valence, il passa quelques mois caché, aux portes d'Alexandrie, dans le tombeau de son père, mais il fallut le rendre aux vœux d'un peuple dont il était l'idole, et qui ne pouvait croire au rétablissement du christianisme, en l'absence d'Athanase. Il revint s'asseoir dans la chaire pontificale et, désormais au-dessus de la persécution, mourut en paix dans Alexandrie. Monsieur Villemain, tableau de l'éloquence chrétienne au IVe siècle. Telle fut la vie d'Athanase. Un esprit juste, vif et pénétrant, un cœur généreux et désintéressé, un courage, ou, pour mieux dire, un héroïsme paisible, toujours uni, sans impétuosité, ni saillie, un christianisme mâle, simple et noble comme l'Évangile, un dévouement pour l'Église tel que jamais les Grecs et les Romains n'en connurent pour la patrie, une éloquence naturelle, forte de choses, allant droit au but et d'une rare précision. Fond du patriarche d'Alexandrie le plus grand homme de son siècle et peut-être de toute l'Église. Markem Dan Archivorg 2024 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.